Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler dans ce podcast de Claude Monet. Donc Claude Monet, de son vrai nom Oscar Claude Monet, né le 14 novembre 1840 à Paris et décède le 5 décembre 1926 à Giverny. C'était un peintre français et l'un des fondateurs de l'impressionnisme. Il a fait ses études à l'École impériale des beaux-arts de Paris. Il possède plusieurs lieux de travail dans plusieurs pays comme en Angleterre, à Londres ou encore aux Pays-Bas, à Amsterdam. Il commence sa carrière d'artiste en réalisant des portraits. Il entre aux Beaux-Arts en 1862 et c'est à cette époque que la peinture académique traditionnelle est peu à peu remise en cause. Donc en 1872, c'est une critique d'art qui invente le terme d'impressionnisme à la vue du tableau Impression soleil levant de Monet. Ce terme, à l'origine péjoratif, a finalement été conservé. Donc qu'est-ce que l'impressionnisme? Eh bien, c'est l'étude de la lumière par la juxtaposition de touches de couleurs. Monet a l'habitude de travailler en série et en plein air, en plus de travailler à l'atelier. Il peut ainsi faire des dizaines de fois le même sujet, mais avec des lumières différentes, donc celles du matin, du midi, du soir. C'est le cas notamment des meules de foin et de la cathédrale de Rouen. Les 30 dernières années de sa vie, Monet les passe dans sa maison de Giverny. Il paysage le jardin lui-même, il y installe un étang, un pont japonais. Tous les éléments seront sujets de ses tableaux. Progressivement, il va perdre la vue, donc on remarque que sa touche devient moins précise. Dans les nymphéas de l'Orangerie, une œuvre monumentale léguée à l'État, sur laquelle il y travaille des années, sa touche est plus libre et plus vaporeuse que jamais. On associe beaucoup Monet aux nymphéas, une succession de tableaux de ses fleurs provenant de son jardin. Ce dernier en fait décide de contacter Georges Clemenceau, un ami à lui, pour offrir à l'État sa série de tableaux de nymphéas au lendemain de l'armistice. Donc cette exposition avait pour but d'illustrer le lien entre Clemenceau et Monet, du point de vue personnel au contexte de la Première Guerre mondiale. Cette exposition cristallise le lien des deux et leur ambition de deux hommes dans un dessin où se mêlent l'art et la nation à un moment historique crucial. L'exposition se voit d'une trentaine de pièces, y compris de portraits de Monet et de Clemenceau. Merci de votre attention.